Salut à tous et bienvenue sur Step In The House. Alors pour ce quatrième épisode, je vous ai concocté quelques très bonnes plaques. On aura du Axwell, du Dirty South, du Robbie Rivera, du David Guetta et Joachim Garraud. Mais on aura aussi la dernière plaque de Mathieu Boutier et Moutonheads. Ça s'appelle Remember et c'est le remix de Enzo Mori et Stéphane Clark. Alors durant ce mix, on aura aussi quelques promos. Donc on aura Energic Peeper, I Wish. On aura aussi une promo de Moutonheads, mais là en tant que remixeur de Rolf Diemann. Elle s'appelle So High. On est parti pour 1h20 de mix. Alors maintenant, bonne écoute et à tout à l'heure. Allez, ciao! C'est DJ Divi en live. I'm We'll be right back.

was mine for you. It's true. Life was mine for you. You thought you knew it all, but let me tell you, you're not the only one by far. Let's knock down all the walls. Take your first step and you will get there in time. It's true. Life was mine for you. Thank you. Thank you. Et voilà, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. La dernière plaque que vous venez d'entendre, c'était la promo de Moutonheads. On repart tout de suite avec Energic Peeper. J'aimerais aussi en profiter pour remercier Mathieu Boutier pour son feedback sur mon 3e épisode. Ça m'a donné un bon coup de motivation. Et j'aimerais aussi remercier mes plus de 3000 abonnés que vous êtes à mon podcast, toutes plateformes confondues. Vraiment, je pensais pas en arriver là. Je vois que le buzz a bien fonctionné. En tout cas, continuez à en parler autour de vous. On se retrouve au prochain épisode avec un grand plaisir. Allez, bye! I could see you again. back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them never really never had a gun, but it's the wax that the Terminator X spun. Now they got me in a cell cause my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet and I think you wanna listen to what they can say to you. Wait till order